esclave du miroir magique, accours du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne. L'art et la finance feront bientôt bon ménage. Excusez-moi, mais se rhabiller assis, c'est absolument impossible. Bon, écoutez, il n'a pas l'air trop mal, ce cœur. C'est toi qui as jeté ce menhir? Ben oui, pour guérir notre druide. Il ne guérit pas en 5 minutes, un mal qu'on traîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans? Oui, depuis que... Pas d'argent, pas de pièces, pas d'affaires. Pas trop mal, c'est-à-dire qu'il est quand même un peu mal. Il s'affole, ce monsieur, ne vous affolez pas. Alors, asseyez-vous. Votre santé est bonne, bonne, bonne. Votre santé est bonne, et puis vous serre la main. À Wall Street, à la bourse de New York, une agitation fébrile s'empare des financiers qui apprennent qu'une matière première vient d'atteindre une valeur record. Sous Popotiron, la seule bonne potion magique est celle distribuée par le... Bonne santé, les deux. Que fait ce clochard ici? L'argent, Hubert. Beaucoup d'argent. Elle fait de la magie noire. Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent. Monseigneur. Vous êtes un monstre. Oh, vous pouvez me haïr, j'en ai rien à foutre. De toute façon, je suis plat aux as. Que le système politique ne convient plus et qu'il prend conscience que c'est à lui de reprendre les rênes de la politique, en fait. Tu suis sorcier. Mon désespoir, je suis... Un homme, pays, chemin. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Non, la question est concernée, donc ça fait 4 points que je propose de mettre à l'ordre du jour. C'est une lutte parmi tant d'autres luttes. Nous avons nous-mêmes de continuer à convaincre tout le monde. C'est justement de constituer une agora, simplement, où la parole publique redevient publique. Et c'est une fin en soi, en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Panique sur la ville. Alors vous venez d'entendre un gifoutou sonore pour introduire le thème de notre émission. Et si vous avez reconnu la sorcière de Blanche-Neige, Serge Lamal, l'hypochondriaque Jean-Pierre Bacri dans On connaît la chanson, Alice au pays des merveilles, un extrait du court-métrage glaçant Au festin des rapaces, Jacouille les bronzés font du ski, et je m'arrête ici parce que sinon on en a jusqu'à la fin de l'émission. Vous aurez peut-être deviné le thème de notre émission. Nous allons parler aujourd'hui de magie, de finance et de santé. Si ce n'est pas encore très évident dans vos têtes, rassurez-vous. Avec nous aujourd'hui pour nous éclairer, Malika Roulens. Bonjour Malika. Oui, bonjour. Donc toi, tu es médecin et pédiatre. Et également à côté de moi, Emmanuelle Nizou. Qui est... Bonjour. Bonjour Emmanuelle. Qui est cofondatrice du laboratoire donc artistique et sauvage Décorceler la finance. Je vais d'abord vous laisser vous présenter, nous en dire un petit peu plus sur vous et peut-être aussi nous raconter pourquoi on vous a invité toutes les deux aujourd'hui. Bonjour, eh bien moi je m'appelle Malika, je suis médecin. Je suis une femme, je suis aussi une mère seule. Je suis d'origine belge, mais je suis née, j'ai grandi et j'ai fait mes études de l'autre côté de la mer, en Bolivie. Et j'ai fait aussi là mes études de médecine avant de parcourir un long chemin de reconnaissance de diplôme et autres pour venir faire la pédiatrie ici en Belgique. Et maintenant, je travaille dans un hôpital public bruxellois, ici à Bruxelles. Et pardon, je crois que j'ai oublié de dire que tu étais membre de la Santé en Lutte. Oui, et je suis membre de la Santé en Lutte depuis presque le début de la naissance de cette organisation. Emmanuel. Et oui, et donc merci en tout cas pour l'invitation. Emmanuel, je suis ici en tant que membre donc de ce collectif qui s'appelle Décorceler la finance. Comme tu l'as dit, donc c'est un laboratoire sauvage, indépendant et autogéré de recherche expérimentale. On s'est créé en 2017 à Bruxelles. Oui, je précise donc que je prends ici la voix toute seule, mais pour 15 à 20 personnes qui sont basées principalement à Bruxelles, mais aussi on en retrouve un petit peu ailleurs, aussi en France et un peu plus loin en Europe. Et donc voilà, je serai seule aujourd'hui, mais je tiens à dire que donc, c'est l'expression d'une voix singulière que j'espère être au service donc, de ce collectif. Ok, merci. Et alors oui, pourquoi est-ce qu'on a choisi de vous inviter toutes les deux? Oui, bah c'est avec Malika, on s'est rencontrés à l'occasion en fait de ce rituel radiophonique qu'on aura l'occasion d'écouter un petit peu plus tard lors de l'émission, donc qui était en fait un rituel adapté pour la radio et qui cherchait à désenvoûter spécialement le marché de la santé. Et lorsqu'on entame en fait des recherches, en tout cas lorsqu'on entame un rituel avec Désorceler la finance, on souhaite évidemment conduire notre enquête avec celles et ceux qui sont directement concernés. Donc ça nous apparaissait absolument essentiel de rencontrer les gens de la santé en lutte. Donc on a pris contact et donc c'est Malika qui nous a accompagnés pour la documentation de ce rituel et qu'on a eu l'occasion aussi d'entendre avec d'autres collaboratrices de la santé en lutte à Liège, notamment en octobre 2020. Okay, bah merci beaucoup. Je pense que là, c'est clair. Malika, tu veux rajouter quelque chose? Oui, bah, nous autres dans la santé en lutte, donc on existe depuis plus ou moins un an et demi, et ça nous parlait tout à fait de faire, c'est-à-dire nous autres, on essaye justement de reprendre cette revendication importante qui, nous, est le manque de financement et le lien entre le financement et la santé. Et donc, c'était vraiment très, très chouette de pouvoir rencontrer le collectif de Désorceler la finance. Et voilà, non, c'était vraiment quelque chose qui nous parlait beaucoup et qui allait vraiment dans notre combat qui est de tous les jours. Ben merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui toutes les deux. Et alors pendant, on va passer une heure et demie ensemble. Et vous allez d'abord, on va commencer par écouter donc justement ce rituel dont tu as parlé, Emmanuel. Ça durera environ 30 minutes. Et puis ensuite, donc on aura le temps d'échanger. On verra le plus concrètement possible ce qui rassemble, enfin pas ce qui rassemble, mais le lien entre le pouvoir de la finance et la situation dans les hôpitaux, le système de santé, notamment en Belgique. Et ensuite, on fera un tour sur le terrain avec toi, Malika, et peut-être savoir comment ça se passe aujourd'hui, là, plus d'un an après cette merveilleuse période. Et enfin, on est toutes les trois autour de cette table et on aura parlé magie, désorceleuse, santé, donc soignante surtout. Et je vous poserai quelques questions sur la place du féminisme dans vos luttes et performances artistiques. Vous avez de la musique, là? Et le tout, évidemment, agrémenté de pauses musicales. Et on va tout de suite commencer et plonger avec une magnifique sorcière, la chanteuse des Rita Mitsuko. C'était un homme passionné. l'inquisiteur qui voulait sauver l'humanité. Pauvre pécheur de l'éternelle damnation. Alors attention, ils sont venus la prendre la nuit. Ils l'ont traîné par la chevelure jusqu'à la chambre. Connaissez-vous la chanteuse sorcière, celle qui fit fondre un cœur de fer, celle qui transforma son tortionnaire, le grand inquisiteur, qui lui ouvrit son cœur? On pouvait la trouver dans la forêt, les nuits de lune pleine, où elle donnait des incroyables fêtes et toute nue, elle chante. Et quand ça commence, ça commence. Toute la forêt se met à parler. Née en transe de par sa mère, la sorcière savait comment s'élever, comment prier, comment soigner, empoisonner, comment chanter et comment danser. C'était les paroles du début de la chanson qu'on vient d'entendre, la sorcière et l'inquisiteur chanter. Voilà, je vous conseille de voir la vidéo de cette chanson et la chanteuse donc d'Eresta Mitsuko est vraiment endiablée. Est-ce que ça résonne en vous et comment ça résonne cette chanson? Oui, ça résonne. C'est vrai que ça rappelle un peu tous les procès en sorcellerie qui ont eu cours pendant, voilà, je pense pendant au moins 4 siècles, si pas plus, entre le 14e et le 17e. Et donc, moi, ça me fait penser aussi à tout le savoir en fait qu'avaient ces femmes qu'on a taxées en effet d'être des sorcières, alors que voilà, il y a peut-être un savoir empirique lié aux soins qui a été perdu à cause, en tout cas, de ces voilà, de ces procès en sorcellerie injustement conduits. Et je pense aussi ça fait référence à maintenant, parce que je pense que peu à peu, on est en train de retrouver, je pense que la situation entre la sorcière et l'inquisiteur est encore présente aujourd'hui et d'autant plus d'actualité. Les inquisiteurs n'ont pas la même, ne s'appellent plus inquisiteurs, seulement un autre nom, mais je pense que ça redonne aussi de la force et du pouvoir dans les luttes justement actuellement aussi. Merci. Et donc Emmanuel, on va entendre dans quelques minutes une performance artistique qui se présente alors sous la forme d'un rituel. Qu'est-ce qu'un rituel pour désorceler la finance ? C'est vrai que ça vaut peut-être la peine que je recontextualise aussi un petit peu les travaux du collectif avant de présenter le rituel, parce que je ne l'ai pas tellement cité à travers le « nous ». En effet, il s'agit en fait à la fois donc, des sorceleurs à finance et des artistes de scène, des designers graphiques, des travailleurs sociaux de l'art, des artistes visuels, sonores, des gens de radio, des membres de réseaux et de fondations, activistes, des activistes de la finance. Voilà, comme on s'est constitué en 2017, donc dans les anciens locaux de la banque Dexia, au World Trade Center, donc de OETC, donc du petit Manhattan de Bruxelles, il y avait envie en effet de poser un acte fondateur pour nous réunir et pour essayer de nous libérer en tout cas de l'emprise de la finance, de trouver les moyens de nous libérer de cette emprise. Et donc c'est là où s'est inventé en fait ce rituel de désenvoûtement de la finance, qui, et donc il y en a plusieurs qui ont été conduits et qui a la spécificité en fait de se conduire d'être l'occupation d'un espace public. Donc là, évidemment, donc, rendu en 2020, c'était beaucoup plus compliqué. On avait évidemment envie de se le réapproprier, mais les rassemblements étaient, comme vous le savez, toutes et tous interdits. Donc, et aussi, il y avait, donc à travers les rituels de désenvoûtement, il y a l'envie en fait, de faire appel au sens, et donc à la magie aussi, pour pouvoir trouver d'autres moyens donc, de se couper de ce lien. Donc le rituel, donner un rituel radio, faire appel aussi au sens de l'écoute, et je sais que vous êtes sensible à ça sur Radio Panique, c'était évidemment pour nous une autre manière d'essayer de conduire en tout cas les auditeurs et les auditrices à nous relier en tout cas une part intime de nous-mêmes et donc de avoir ce pouvoir de désenvoûtement. Oui, super. Et justement, donc ce rituel, il a eu lieu le 17 octobre 2020 à Liège. Et j'aimerais qu'on se prépare un petit peu justement à l'écoute de cette performance. Est-ce que, pour se plonger dans l'ambiance, est-ce que peut-être tu peux nous donner des détails? Où est-ce qu'on se trouve? Qui parle? On va entendre des voix de femmes. Voilà, est-ce qu'il y a des objets autour de nous? Alors c'est vrai qu'à l'époque on avait on a donné ce rituel donner à entendre et à voir aussi en réalité ce rituel à Liège. Il y avait eu deux jours plus tôt dans le cadre de la quinzaine de la solidarité à Bruxelles une autre forme de mise en espace, on va dire, et de mise en écoute, mais peut-être alors je vous plonge quand même dans celle de Liège où en effet il y avait des objets parce que c'était dans le cadre de la Biennale de l'image possible où des sorceleurs la finance avait également présenté son cabinet de curiosité économique. Donc il y avait en fait tous les objets autour de nous, donc le visiteur était, la visiteuse était amenée à déambuler dans cet espace d'exposition et à y voir en effet tout, donc les objets qui s'activent lors des rituels, donc qui renvoient à une imagerie sorcière. On essaye aussi il y a également en fait des images de la finance mais qui sont perturbées des faits de leur caractère lisse. Et donc quand on arrivait autour de nous, donc on invite les gens à se placer en cercle. Nous-mêmes, en fait, il y a des musiciens, des musiciennes qui sont placés au sol et qui jouent en fait sur un orchestre métallophone de gamelles issues du jeu de balle, récupérées du jeu de balle. Donc il faut imaginer ça, il faut imaginer aussi une ambiance olfactive, des odeurs de Palo Santo. Et lorsque les personnes s'asseyent, il y a déjà, en tout cas c'était le cas à Liège en fait, on avait la chance d'entendre la voix de Malika, donc c'est-à-dire cet entretien qu'on avait eu, cette conversation qu'on avait eue ensemble. Donc c'était déjà une manière en tout cas d'être conduit en immersion à l'intérieur de ce rituel. Donc c'était plutôt à porte fermée, mais vous étiez quand même réunis en cercle pour plonger ensemble. Absolument. Voilà, donc on va tous plonger tous les auditeurs. Et voilà, donc on est presque prêt à se laisser désenvoûter. Est-ce que tu as des recommandations à faire aux auditeurs? Je ne sais pas, est-ce qu'il vaut mieux s'allonger, allumer des bougies? Est-ce qu'on peut faire la cuisine en même temps? Alors, je recommande en effet d'être confortablement installé. En tout cas, essayer de faire en sorte de bien d'être tout à fait à l'écoute. Peut-être que les bruits de la cuisine vont perturber un tout petit peu. Pour autant, voilà, si jamais c'est en train de mijoter, ça donnera un petit son continu intéressant. En tout cas, ce que j'invite les auditeurs, auditrices à faire, c'est peut-être à conscientiser voilà, ce qui les relie eux-mêmes intimement à, voilà, aux enjeux de santé. Quelle société est-ce qu'ils ont envie de construire ensemble? Et donc, à partir de ça, bah, de plonger dans l'écoute. Et Malika, comme on a dit que tu étais présente, maintenant on sait que tu étais dans le cercle des privilégiés. Tu as envie peut-être de faire part aussi d'une atmosphère ou d'un conseil? Je pense que fermer les yeux, se mettre tranquillement, s'asseoir tranquillement et se laisser aller. Je pense que le rituel en soi-même déjà est très envoûtant. Et donc je pense que vraiment se laisser aller et se reconnecter à soi, c'est vraiment... En tout cas, c'est ce que j'ai fait et j'ai bien apprécié. On est donc prêt à... On est prêt maintenant à plonger tous ensemble. M'emmènes-tu ? C'est une surprise. Tu vas fermer les yeux, tu les ouvriras quand je le dirai. Action ! octobre 2020, 6h25 du matin. Anomalie dans la toile de la finance. Ça se passe en Belgique, à Liège. C'est de là que les premiers signaux de l'anomalie surviennent. Je matérialise mes atomes à Liège. Je rôde et soudain je vois la tour des finances transformée en home. La tour des finances ne tourne plus. Des vieux se sont glissés dans ses rouages. Ces vieux sont comme des grains de sable. Ils grippent la machine. La tour des finances, ce n'est pas tout. Il y a l'argent aussi. Les coffres des banques et des hedge funds. L'argent est passé sous le contrôle des infirmières et des aides-soignantes. Les infirmières de la maison de retraite géante ont expulsé les banquiers. Elles ont pris possession des lieux. Elles sont maintenant à la tête d'une fortune de 37,5 milliards d'euros. Fortune immense avec laquelle elles comptent mettre en œuvre leur projet politique révolutionnaire. Que tous les vieux et que toutes les vieilles soient traités convenablement. Liège. 18 octobre 2020. Anomalie dans la toile de la finance. Entité A. Au siège, attend votre signal pour procéder à l'audit. Entité A. Au siège. Signal bien reçu, l'audit commence. Over. Je suis l'entité A. Je suis l'auditrice extra-humaine des situations spéciales de la toile de la finance. De mission en mission, je transfère mes atomes dans l'espace financiarisé et j'inspecte les anomalies. Je les audite, je les comprends, je les résous. Épicentre de l'anomalie, ex-Décathlon rue Ferronstré, 18 octobre 6h37 du matin. On se croirait au lendemain d'une fête ou dans une manifestation. Selon toute vraisemblance, un rassemblement non autorisé de nature encore inconnue. Beaucoup de monde s'est réuni hier. Mes capteurs décèlent des marqueurs de présence humaine. Ça sent l'humain dans tous les coins. Ça sent aussi le plastique, les baskets fabriquées en Chine, le coton chimique et les phéromones. Beaucoup de phéromones. Beaucoup de phéromones de libération. Il s'agit d'une grande salle. J'ai de la chance, rien n'a été démonté. Des détritus jonchent le sol, des gamelles et des casseroles de toutes tailles, des instruments de cuisine potentiels, des instruments de musique potentiels, des instruments de contestation potentiels, des feuilles imprimées du genre journal, des pancartes imprimées, des cendres et des poudres suspectes. Mes capteurs y décèlent de puissantes ondes au profil inconnu. C'est le siège de l'anomalie. Je descends quelques marches et j'entre dans la fosse. October 18, 6h56 du matin, mes antennes répercutent les événements de la matinée. J'apprends qu'à Bruxelles, rue du Trône, l'FPIA, aussi appelée European Federation of Pharmaceutical Industries Association, aussi appelée bras armé de Big Pharma, aussi appelée lobby pharmaceutique, est maintenant occupée par un centre d'accueil pour réfugiés. Le bâtiment anonyme aux pierres grises, aux fenêtres grises, aux lobbyistes gris, au milieu d'armoires pleines de notes, visant à transformer les corps en marchandises, se trouvent des hommes et des femmes qui s'organisent pour obtenir leur régularisation. De leur côté, mes capteurs m'informent que les lobbyistes ont quitté les lieux. Ils sont partis tôt ce matin. Cravates nouées au front comme des guérilleros, les voilà qui lancent l'assaut contre la commission, rond-point Schumann. Armés de leurs costumes et d'arguments spécieux, ils entourent le Berlaymont et réclament avec intransigeance une renégociation de la Convention de Dublin, qui organise l'errance des sans-papiers dans toute l'Europe, de micro-jobs Deliveroo en chantier payé au noir. L'anomalie se propage sur la toile de la finance. Il reste un cercle tracé au sol. Je m'approche du cercle tracé au sol. C'est un tracé résiduel. Une ruine de l'anomalie. Je pose ma main extra-humaine sur le cercle, ramasse un peu du cercle sur mon doigt extra-humain, le porte à ma bouche extra-humaine, à ma langue extra-humaine. Verdict de mes papilles extra-humaines, un composé d'anions et de cations formant un produit neutre sans charge nette. Na plus plus Cl moins, chlorure de sodium, autrement dit du sel. Premier indice, un cercle de sel tracé au sol. J'ai déjà vu des cercles de sel tracés au sol. Fait inquiétant, dans 92% des cas, les cercles de sel étaient impliqués dans des anomalies de niveau 3. Au centre du cercle, une tour se dresse. C'est une petite tour. Par les standards de la toile de la finance, elle ne fait pas 147 mètres de haut, n'est pas en verre et en acier. La tour est couverte d'écrans noirs, envahie de courbes statistiques et de chiffres. On lit « Screening offshore », on lit « CAC 40 », moins 2,8%. On lit « FTSE 250, moins 0,6%. On lit Alpha 12,5%. Gamma, moins 0,5%. On lit Total AA+. « Cette tour est étrangement familière pour qui fréquente la toile. Étrangement familière et pourtant ce n'est pas une des nôtres. Elle n'est pas sur la carte officielle de la toile de la finance. Ses connexions Bloomberg sont factices. Ses connexions à l'Euronext sont factices. Cette tour est factice. Tout est factice. Sur la toile de la finance, les anomalies sont de trois types. Premier type, il y a les grèves, les élections, les manifestations, les mouvements de révolte. Deuxième type, il y a les catastrophes naturelles. Et enfin, il y a les anomalies du troisième type. Anomalies surnaturelles, anomalies anormales, anomalies sorcières. Ces anomalies-là sont les plus dangereuses. Entité A au siège. Entité A au siège. J'ai tout lieu de croire, au vu des cercles de chlorure de sodium tracés au sol, ainsi que des instruments de musique éparses et rudimentaires retrouvés dans les décombres, qu'il s'agit d'une anomalie de plus haut niveau. Je répète qu'il s'agit d'une anomalie de type 3. Je répète, une anomalie de type 3. Je commence à comprendre que tout est factice. Quand mes capteurs tombent sur le bandeau, au sommet de la tour, en lettres capitales blanches sur fond noir, rituel de désenvoûtement de la finance. Rituel de désenvoûtement de la finance. Rituel de désenvoûtement de la finance. La finance est partout. Elle donne un prix aux céréales qui assure la base de notre alimentation, aux matières premières, bois, métaux, minerais, qui constituent les objets dont nous faisons usage chaque jour. Elle façonne le choix des énergies que nous utilisons. Elle détermine notre façon d'envisager et d'accéder à ce besoin fondamental qu'est la santé et l'habitat. Chacun, chacune de nous est intimement liée à elle. Nous l'emportons quotidiennement avec nous. La finance se glisse jusque dans les interstices de notre portefeuille, se loge au fond de notre sac à main, dans la poche arrière de notre jean ou la poche intérieure de notre veste. Notre carte bancaire, ce bout de plastique que nous gardons près de nous tel un gris-gris, est notre point de contact le plus commun avec la finance. La finance est partout et l'argent déborde. Les milliards et milliers de milliards et millions de milliards des banques, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des hedge funds, des fortunes démesurées et des dettes abyssales nous sifflent aux oreilles à l'écoute des nouvelles, à la lecture des journaux. Ils nous impressionnent, mais souvent nous ne les entendons plus, occupés que nous sommes à nous débattre avec quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers peut-être. Peut-être ces milliards nous empêchent-ils aussi, par leur présence, leur pouvoir, leurs injonctions et leur insistance étouffante de penser et d'agir autrement. Dépasser cet état d'empêchement, de contention, d'étouffement requiert de briser quelque chose qui est de l'ordre de l'envoûtement, de l'impuissance sidérée. C'est l'objectif des rituels de désenvoûtement de la finance. le temps est venu de rendre visibles les spectres des réseaux d'influence. Le temps est venu de décortiquer les rouages de l'économie et de la finance. Le temps est venu de mettre nos mains dans le cambouis. Dans un contexte de crise économique et financière à répétition aux effets délétères, nous soutenons qu'il est urgent de se réapproprier le fonctionnement de la société dans laquelle nous vivons et d'en maîtriser les enjeux. Laisser les questions économiques et financières dans les seules mains des experts n'est plus envisageable. Désorcelons la finance pour nous sortir de l'immobilisme. Désorcelons la finance pour nous remettre en mouvement. Nous donner de la force. De la force pour ouvrir un accès vers d'autres modèles de répartition des richesses. De la force pour ouvrir un accès vers d'autres modèles de répartition des richesses. De la force pour créer de nouvelles formes de production et de création. De la force pour faire émerger d'autres solutions. De la force pour libérer notre imagination. Quelque chose. Je sens une souffrance par là, vers les sièges de l'audience. Une odeur de poche et de cartes magnétiques. De cartes magnétiques dans des poches. Des cartes magnétiques ont souffert le 17 octobre au soir. Des cartes magnétiques ont été mises à contribution pour ce rituel. Je sens la souffrance des cartes bancaires. Carte bancaire. La carte bancaire entre en contact avec le terminal bancaire. Boum ! Un signal électromagnétique quitte le terminal bancaire, encrypté en SSL36. Cryptage le plus solide du monde. Un signal électromagnétique plus résistant qu'un coffre-fort. Traverse les corps et les parois, se glisse dans la carcasse de la borne Wi-Fi la plus proche qui le répercute dans des câbles sous forme de signaux lumineux qui traversent la Belgique, la Baltique, les Pays-Bas, la Manche, sous l'océan à travers le câble sub-atlantique Apollo North. Le signal de la carte bancaire traverse les solitudes glacées de la fosse de Milwaukee à 8950 mètres de profondeur. La température atteint les moins 40 degrés. La pression, 7448 000 kilopascals, plus solide qu'un coffre-fort. Le signal franchit la dorsale médio-atlantique. Il se propage à 343 000 km par seconde, remonte à la surface, fait irruption dans le data center Mastercard, Visa, Amex. Des milliards de signaux bancaires arrivent en même temps, se déversent dans le hardware. L'architecture logicielle, les systèmes informatiques, le signal se décrypte, un algorithme est activé, l'algorithme dit quelque chose, l'algorithme parle à Swift, l'algorithme parle à la finance, et soudain, le signal repart dans l'autre sens. Boum ! Des cartes bancaires ont souffert hier soir. Ça pue la carte bancaire qui souffre. Les cartes bancaires sont solides, comme des coffres forts. Mais les cartes bancaires ont un point faible. Elles ont un nom de code. Un nom de code en quatre chiffres. Les cartes bancaires ont un point faible, qui est leur nom de code en 4 chiffres. Leur code secret. Il va falloir passer à un degré supérieur dans mon audit, faire appel à toutes les mémoires de la toile. J'invoque la data et ses données de surveillance omniscientes. Je revois le passé. J'y suis. Le 17 octobre à 19h17, les cartes bancaires sont encore indemnes, mais plus pour longtemps. La data me transporte à l'instant d'avant leur supplice. Je vois des désorceleuses et leurs oreilles tendues. Les désorceleuses passent dans les rangs. Les désorceleuses approchent leurs oreilles des bouches des corps. Je vois les bouches des corps se tendre, les corps des hôtes se crisper. La carte bancaire ne se laisse pas invoquer par une puissance hostile. Les lèvres se contractent, les regards fuient. Les cordes vocales s'embrouillent comme des pianos désaccordés. Faisons prendre l'air à nos cartes bancaires. Levons-nous, levons-nous, levons-nous et brandissons notre carte bancaire. Faites-vous confiance à votre voisine de droite. Faites-vous confiance à votre voisin de gauche. Avons-nous confiance en notre banquier, notre banquière? Et maintenant, tenons-nous par la carte bancaire. Allez, on se tient par la carte bancaire, les uns les autres. On utilise les deux mains pour former le cercle. Voilà, magnifique. Imaginez, imaginez. On ouvre un compte commun. Je vois des désorceleuses tenaces réclamer un numéro, insister auprès du corps qui veut se libérer de l'influence de la carte. La chair est faible. Et maintenant, nous allons débiter notre code tous ensemble, chiffre après chiffre. 4, 5, 8, 2, 4, 5, 8, 2, 4, 5, 8, 2, allez, 4, 5, 8, 2, 4, 5, 8, 2, 4, 5, 8, 2. Je vois des cartes bancaires qui cèdent, lâchées par leur corps. Une bouche murmure un numéro. J'entends une bouche dire 4, 5, 8, 2, boum! Vos cartes bancaires sont maintenant désenvoûtées. Flash lumineux, un corps se redresse. Les cartes bancaires crèvent, crèvent. Désenvoûtement du marché de la santé. Les marchés sont volatiles, les rendements sont incertains. Face aux indicateurs économiques désastreux, les États se préparent à livrer bataille. Oui, incroyable chiffre en effet. Des perspectives s'ouvrent pour ce secteur de la santé. On est rentré dans de nouveaux paradigmes économiques. Avant la crise du Covid-19, on avait identifié l'investissement dans la santé comme étant ce qu'on appelle une méga tendance importante. Notre rôle, c'est de chercher en fait des domaines dans lesquels on peut espérer des valorisations à long terme. Liées notamment aux enjeux de démographie. Alors déjà, on peut peut-être parler des performances. Ce qu'on appelle une méga tendance importante. Des perspectives s'ouvrent pour ce secteur de la santé. L'indice est passé de 51 en février à 30 en mars. On considère qu'aujourd'hui, il y a un potentiel de valorisation à long terme attractif. En ce qui concerne la santé, le vieillissement de la population et ce qui est lié également au secteur de la pharmacie. Ce qu'on appelle une méga tendance importante. Il y a un potentiel de valorisation à long terme attractif. L'indice santé monde prend 260%. Ah. Investir sur la santé, ce n'est pas une opportunité, c'est plutôt une vision long terme qu'on a. Alors déjà, on peut peut-être parler des performances. Hein. Ça, c'est une évidence. Ça montre bien l'intérêt d'intégrer au sein des portefeuilles de la santé de manière long terme. Franchement, il y a vraiment de quoi aller faire de la performance dans la durée. Aux États-Unis, les dépenses en médicaments ont augmenté de 8,5% en 2015 par rapport à 2014, plus 8,5% sur un an à peine. La toile de la finance repose sur des envoûtements qui transforment le monde en marchandises échangeables via des terminaux Bloomberg. Des envoûtements qui visent à transformer le monde. J'entends par là les molécules des corps, les plantes des forêts, les remèdes de grand-mère, les hormones du cerveau qui visent à transformer le bonheur des gens et la santé des corps en marchandises et les marchandises en profits détenus par les sorciers de la finance que sont les traders, les gérants de hedge funds, les banquiers, les macroéconomistes, les envoûtements de la finance mettent en branle un tas de mécanismes. Un exemple, il suffit qu'un macroéconomiste dise 3% et des hôpitaux ferment à l'autre bout de l'Europe, qu'une agence de crédit dise A- avec perspective négative sur la dette souveraine. Et les portions de purée des vieux dans les hommes sont réduites. Qu'un banquier dise « je vends » et les infirmières voient leur salaire gelé. Et c'est un État qui s'endette. « 17 octobre, 19h25, je perçois des symptômes de révolte dans cette salle. » Banderoles accrochées sur les nadars, pancartes brandies par des manifestants, des manifestantes. Je lis, le capital a tué l'hôpital. Pas de profit sur nos vies. Du fric pour la santé publique. Je perçois que certaines des sorceleuses s'apprêtent à faire entorse. Je perçois que des humains risquent la paralysie s'ils persévèrent. La fracture est proche, elles vont couper le appendice. Elles annoncent la nécrose imminente du capital. Tumeur dans la finance. La pilule ne va plus passer. Je perçois quelque chose que je ne devrais pas percevoir. Une amputation. Une main brandit un scalpel. Je perçois une ablation. Entité A, au siège, le fil a été sectionné, je répète, section du fil de la toile de la finance. Thank you. Vous écoutez Radio Panique, on est dans l'émission Panique sur la ville. On s'intéresse donc au pouvoir que la finance exerce sur notre système de santé. Et vous venez d'entendre une action rituelle militante sorcière qui a lieu à Liège le 17 octobre 2020. Et avec nous donc Malika, qui est médecin et membre de la Santé en lutte, et Emmanuel, qui représente le collectif Désorceler la finance, qui est à l'origine du rituel que vous venez d'entendre. Eh bien, tout d'abord, je voulais vraiment dire bravo et merci beaucoup pour ce voyage. Moi, j'ai ressenti vraiment, la première fois que je l'ai entendu, beaucoup d'enthousiasme à l'écouter. J'ai trouvé ça drôle. Enfin, j'ai vraiment souri en m'imaginant, me tenant par la carte bancaire avec d'autres personnes. Et ce que je trouvais vraiment très, très chouette, c'est que la finance, c'est quelque chose qui nous paraît vraiment inaccessible. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment au départ de creuser ce sujet. Et là, en fait, on se sent un peu plus léger. On se dit, en fait, c'est peut-être pas si compliqué. Et le fait d'y croire, de se réunir, ça peut être joyeux et festif d'imaginer autre chose. Et voilà, donc, merci. Et Malika, donc, on a dit que toi, tu étais présente aussi, tu as participé au rituel. Comment tu as vécu cette expérience ? Pour moi, c'était une première expérience. Donc, c'était la première fois que je participais, la première fois que j'y allais. Et c'était tout particulier. D'abord, je suis arrivée dans un endroit magnifique, avec une tour de finance, avec tout un endroit qui était décoré, mais qui te mettait déjà dans une ambiance très chouette. Et après, je me suis assise et je me suis entendue parler. Et ça, c'était aussi une première fois. Et c'était très, très drôle. Et le rituel a commencé. J'ai fermé les yeux. Je me suis assise. Et là, je crois que je ne sais pas au bout de combien de minutes, mais j'ai l'impression d'avoir très rapidement été en transe. Les sons étaient très, très, très, très intenses. Moi, je crois que ce qui m'a donné surtout ce rituel, c'est... Donc d'abord, tu rentres dans une transe, mais après, tu rentres dans un état de joie où ça te donne la force de vraiment croire que c'est possible de désorceler, que c'est possible d'aller au-dessus de la finance et que ça te donne en fait de la force pour le combat de tous les jours. Je me revoyais comme ça à des moments dans l'hôpital quand il y avait beaucoup de patients ou quand on sent qu'on n'est que des chiffres et autres, et ça te donnait cette force-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et quand tu dis que tu t'entendais en arrivant au rituel, c'est qu'en fait, toutes les voix qu'on entend derrière, c'est aussi le public qui participe à toute cette ambiance sonore. Oui, oui, oui. Il y avait une partie de l'enregistrement de l'entretien qu'on avait fait qui était en train de s'écouter. Et aussi, il y avait toute cette participation du public. Donc, tu es à l'intérieur, mais tu es aussi partie d'une collectivité et d'un ensemble. Et c'est vraiment une transe collective. Quoi. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Merci. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez, l'une et l'autre, nous expliquer le lien entre la finance et la santé? Voilà, parce que parfois, moi, j'ai du mal à imaginer que des personnes enfermées dans des tours, sur des ordinateurs, qui jouent avec des chiffres, aient vraiment un impact sur ma santé et sur les professionnels de la santé, surtout. Alors, c'est quelque chose qu'on, effectivement, peut parler et démontrer tous les jours, mais il faut savoir que le secteur de la santé, ici en Belgique, est sous-financé depuis plus d'une dizaine d'années. Juste dans la période de Maggie et de Bloch, on parle de plus ou moins 2,1 milliards d'euros qui ont été pris à la santé, donc économisés en soins de santé. Il faut savoir qu'il y a un sous-financement aussi. On est en sous-effectif avec chaque fois fermeture de lit qui est le plus important, qui fait que ça vient, que ça va vers une déshumanisation du système de santé. Moi, je travaille dans un hôpital qui, comme beaucoup d'hôpitaux, et pas seulement d'hôpitaux, sinon de maisons médicales et autres, travaille à l'acte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on travaille tout acte qui est fait, c'est-à-dire on va voir un patient, on fait une prise de sang, tout acte est tarifié. Et l'hôpital reçoit de l'argent selon la quantité d'actes qu'il fait. Je vais mettre un exemple. Le service de gynécologie va avoir un financement ou un budget selon la quantité d'accouchements qu'il va y avoir. Il y a moins d'accouchements, il y a moins de financement. Quand ce n'est pas du tout la responsabilité de l'hôpital de faire moins d'accouchements, c'est quelque chose d'aléatoire. Et donc, on va être tout le temps les hôpitaux vont fonctionner comme des grosses usines de management avec des managers qui font des chiffres en fait tous les jours. Mais le problème, c'est que ni les soignants, ni les soignantes, ni les personnes soignées sont des chiffres. Et c'est de là que vient cette déshumanisation. Il y a aussi tout ce qui est la sous-traitance. Donc, il y a depuis une dizaine, quinzaine d'années de privatisation de plus en plus de la santé. Donc, il y a des services qui se privatisent, devenant par exemple la clinique du poids idéal. Et donc, on fait, c'est un autre système de tarification parce qu'on va diviser le service ou les services prestés parce qu'on va les privatiser en services qui sont donc du coup moins accessibles, ou alors la sous-traitance. Donc beaucoup dans nos hôpitaux, on fait la sous-traitance de la cuisine, du nettoyage qu'on demande à faire donc à des entreprises tierces. Et donc voilà, c'est aussi un lien qui est très très très important avec la financiarisation des soins de santé. Et aussi on pousse beaucoup par exemple aux travailleurs et aux travailleuses d'être indépendantes par exemple. Donc moi j'ai halluciné quand le directeur de l'hôpital à nous dans un hôpital public nous proposer de devenir indépendante et ne plus être salariée. Voilà, je trouvais que ça allait contre le concept même d'hôpital public. Et ça, c'est la pression qu'exerce la finance sur la nécessité de restrictions budgétaires. Et donc, j'imagine que c'est les conséquences, c'est pour savoir si je comprends bien. Oui, oui, tout à fait. On pousse, il y a une pression de managériale et une pression de travail très, très forte. Les infirmiers doivent chaque fois, avec l'informatisation aussi du système de santé, tu dois cliquer chaque fois que tu fais un acte. J'ai changé la couche, j'ai fait ça. Et donc, chaque acte devient numérisé, chaque prise de sang et calculer exactement sur le temps qui te prend de faire la prise de sang. Et donc, c'est une pression sur les travailleurs qui est très grande. Et sans parler, bien sûr, de toutes les conséquences que ça a sur les patients, avec une sécurité sociale qui est chaque fois moins accessible, dont les patients sont... Les médicaments gérés par la Big Pharma sont moins accessibles aussi aux patients. Vraiment, les hôpitaux et le système de santé devenus des vraies usines et où l'intérêt est vraiment gagner de l'argent. Et d'autant plus ici, pendant la période du coronavirus, ça a été démontré. Ce management industriel et usinier sans prendre en compte l'humain et la santé, après tout. Tu veux rajouter quelque chose, Emmanuel ? Mais en tout cas, oui, c'est... on l'a entendu là pendant le rituel, il y a un moment de montage où on entend des experts, en tout cas de finance, et qui montrent bien à quel point le système de santé est devenu comme une logique, fait l'objet d'une logique de profit, d'une logique de rentabilité, et que ce soit à tout niveau, donc au niveau des fournisseurs de consommables médicaux, que ce soit au niveau de l'imagerie médicale, de dispositifs médicaux, voilà, et que... Et du coup, nous, ça nous apparaissait absolument nécessaire, en effet, de voir comment est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui nous défait de cette dépendance à l'égard des entreprises privées qui ont vraiment qui se fait au détriment d'une pensée plus collective de la santé. Donc, c'était essayer de retourner ça et de nous redonner de la force et de nous empuissanter, comme tu l'as bien rappelé, Malika. Alors moi, j'ai une question, Malika. Est-ce que ça a marché? Est-ce que depuis le mois d'octobre, les choses ont changé et comment ça se passe aujourd'hui sur le terrain? Alors, je crois que ça a marché pour nous donner plus de force et plus de colère. Mais la situation actuelle, en tout cas, je vais parler des hôpitaux, mais on parle de tous les soins de santé, je crois qu'elle est catastrophique, beaucoup plus catastrophique depuis un an. Donc, on parle d'une troisième vague pour laquelle il n'y a pas eu de préparation, malgré qu'on a eu la première vague qui était une surprise, la deuxième qui n'était plus une surprise, mais la troisième qui était pas plus préparée que la première, avec un personnel qui est épuisé, qui a travaillé presque depuis un an non-stop. Il n'y a rien ou presque rien qui a été mis en place. Il n'y a pas plus de personnel, il n'y a pas plus de matériel, il n'y a pas plus de revalorisation, mais il n'y a même pas de mise en question de ce système de marchandisation des soins. Et d'ailleurs, avec une logique d'autant plus perverse, parce qu'il y a maintenant un endettement des hôpitaux. Donc, comme les hôpitaux, pendant les vagues de la première, la deuxième et maintenant la troisième, ont priorisé les soins Covid, donc les soins aux personnes qui avaient le coronavirus, il y a des services qui ont fermé et tout le monde s'est focalisé sur la pandémie. Et donc, il n'y avait plus d'actes, ou plus tous les actes étaient faits. Donc, l'hôpital recevait moins d'argent parce qu'il n'y avait pas d'actes. Et alors, le gouvernement a décidé de prêter. Et donc, les hôpitaux, pendant la crise, se sont endettés parce qu'ils soignaient les personnes avec le coronavirus et ne faisaient pas la marchandisation habituelle des soins. Et donc, en fait, les hôpitaux vont tarder maintenant probablement des années ou des dizaines d'années de payer la dette qu'ils sont en train d'accumuler pour prioriser les soins de santé. Et le coronavirus, et ce qui fait une pression managériale encore plus forte, parce que la pression sur les travailleurs, c'est de à tout prix faire plus de consultations, plus d'actes, récupérer, disons, l'endettement qu'a l'hôpital. Et donc, le gouvernement a tellement mal géré cette prise qu'on n'a même pas pris n'est pas en train de payer les soins du coronavirus, et fait que les hôpitaux sont endettés en disant on est en train de prêter de l'argent aux hôpitaux pour gérer la crise, ce que je trouve horrible. Et donc on est effectivement dans un système de plus en plus difficile et avec des personnels qui sont vraiment épuisés physiquement, mentalement et psychologiquement, et avec une population où beaucoup de la santé a été délaissée. En priorisant le coronavirus, tout ce qui est la santé chronique, la santé mentale, la santé psychologique, et a vraiment empiré. Voilà. Et toi, justement, en tant que membre de la Santé en Lutte, vous vous organisez un petit peu le monde des professionnels de la santé, justement pour revendiquer, enfin pour exprimer cette colère et demander du changement, plus d'investissement. Je sais que le mouvement est né, je crois, en 2019, donc c'est encore assez récent. Et comment évoluent les choses au sein du mouvement aujourd'hui? Je crois que c'est un mouvement qui a vraiment grandi dans cette et renforcé depuis sa création. C'est-à-dire, c'était d'abord un tout petit groupe qui était à Bruxelles. Maintenant, on est dans plusieurs villes, à Liège, à Charleroi. Il y a un petit groupe à Namur. Donc, ça va un peu, ça s'étend doucement un peu partout, parce que aussi la colère, je crois, et l'épuisement sont très importants. Ça reste encore très très difficile parce qu'on n'est pas un petit collectif en dehors des partis politiques et en dehors des syndicats, mais qui travaillent, disons, ou ont l'intention de travailler avec les syndicats. Mais voilà, ça reste très très difficile l'organisation, mais aussi parce que on n'est pas beaucoup, parce qu'on travaille tous à plein temps, parce que c'est une activité tout à fait militante volontaire en dehors de nos horaires déjà bien chargés. Mais voilà, on reste avec beaucoup de colère, et notre idée, c'est plutôt relayer ce qui se passe et les colères, les luttes qu'il existe un peu dans le secteur des soins de santé, pas seulement dans les hôpitaux, mais aussi dans tout ce qui est les maisons de repos, ce qui est les maisons médicales. Et notre idée, c'est aussi de prendre en compte pas seulement les médecins, les infirmières, sinon de vraiment prendre en compte aussi les personnes qui travaillent dans le laboratoire, les personnes du nettoyage, les personnes, tout le personnel paramédical, et de dire qu'il y a aussi les personnes des cuisines, les personnes qui sont dans tout ce qui aide à que ce système de santé soit difficilement debout, mais qui reste debout et continue à fonctionner. Et donc on prévoit plusieurs activités. Donc le 20 avril, on a un rassemblement pour aider les revendications d'une maison de repos qui se trouve à Porte de Halle, et on planifie un grand rassemblement, ou en tout cas une grosse mobilisation, pour la fin mai. Voilà, pour montrer encore que un an après le coronavirus, on doit être d'autant plus là et d'autant plus en lutte. On prend en note le 20 avril et le mois de mai dans nos agendas. Et maintenant, pour revenir au rituel qu'on a entendu tout à l'heure. Vous aimez la littérature scandinave, Madame Mouchboum ? J'ai effectivement envie de vous partager une petite lecture. Et ça va faire le lien aussi avec ce dont tu viens de parler, Malika. Voilà, je voulais juste préciser que le rituel, il a eu lieu au cœur de Liège, donc dans une rue commerçante, et plus particulièrement dans un ancien décathlon, donc un espace plutôt fermé dû au contexte, mais pour moi symboliquement c'est un endroit où il y a du passage, où c'est plutôt ouvert sur l'espace public. Et Malika, donc en tant que la santé, avec la santé en lutte, une partie de votre travail c'est donc d'être visible dans l'espace public et d'interpeller tout le monde, pas seulement les professionnels du secteur. Et les quelques mots que je vais vous lire sont du comédien Stéphane Joris, qui a écrit un petit essai qui s'appelle « Le triomphe du saltimbanque », et dans lequel c'est un comédien qui lui a commencé dans la rue, enfin il a fait ses armes dans la rue et beaucoup plus, parce que pendant plus de 20 ans, il a joué dans l'espace public. Et dans ce passage, il explique le sens que ça a justement de s'exprimer au cœur de l'espace public. La rue est notre champ de bataille et la simplicité notre terrain d'entente. Les armes, votre art à vous, à chacun d'entre vous qui me lisez ou m'entendez. Car en vérité, je vous le dis, il n'y a pas mieux que l'art qui dit. Jouons-nous dans un théâtre politique, un débat plus que public. Posé sur le pavé, chaque question devient plus ouverte que jamais. Exprimée dans l'agora de chaque grande place de ville ou de village, toute question devient réflexion nationale. Vermisseau à pas lancé aux poissons penseurs que sont les passants à penser, petite pensée voyageuse qui fait son chemin mental chez les spectateurs autant que son chemin géographique d'un lieu de spectacle à l'autre. Il est donc temps de savoir ce que peut, ce que veut, ce que doit dire le saltimbanque. Jérôme Savary, avec son Magic Circus dans les années 70, prétendait déjà que le théâtre de rue est politique, ne fût-ce que par sa forme. Un acte accompli dans la rue est un acte public, une pierre posée pour faire bouger le passant, un souffle dans son oreille qui le fait dévier de son trajet ordinaire. C'est un moins que rien sans doute, qui peut au décompte final tout changer. Une prise de parole dans l'espace public numéro 1 n'est jamais innocente, a fortiori si elle discourt sur le monde dans lequel nous vivons. On en a déjà un peu abordé le sujet, mais qu'est-ce que ces quelques lignes vous inspirent ? Alors moi, j'ai bien aimé ce passage, parce que c'est quelque chose qui montre la force de occuper la rue, d'être dans la rue, et de revenir, c'est-à-dire de montrer... pour moi, la santé en lutte, c'est pouvoir montrer aussi dans la rue ce qu'on vit tous les jours et le système dans lequel on est un peu piégé. Et donc, voilà, je trouvais ça très bon. Bah oui, moi aussi, ça me rappelle l'absolue nécessité de pouvoir se réapproprier l'espace public pour boucler, en tout cas, avec le rituel. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est à la fois, en fait, entre une performance artistique, une mobilisation politique, censée être dans l'espace public, et un rituel, et un rituel magique. Ici, c'est vrai que le rituel radio, ce que j'espère, en tout cas, c'est qu'il pourra être diffusé, donc à travers les ondes, rentrer dans les espaces domestiques, et qu'à l'écoute des propos de Malika et des, voilà, de ce que traverse en tout cas le secteur de la santé actuellement, que ça puisse en effet, comme tu le disais, donner l'envie en tout cas aux auditeurices de s'emparer en tout cas des journaux, de décortiquer, d'analyser et de se réapproprier en tout cas ce qui apparaît abstrait, donc qui est la finance. Mais qui finalement se retrouve très concret au quotidien. Et oui, à la fin du rituel, il y a eu, je crois, un échange ensuite entre les membres de la Santé en Lutte qui ont participé au rituel et Désorceler la finance. Qu'est-ce qui est ressorti de vos échanges ? Alors moi, j'ai beaucoup aimé la fin de rituel, surtout parce qu'il y avait des affichettes qui disaient « Vous vous réveillez un jour et il n'y a plus le capital » ou « Du fric pour l'hôpital public » et c'était quelque chose qui était presque euphorisant, quoi, parce qu'on s'y croyait et on croyait vraiment qu'un jour ça serait possible. Et donc j'ai bien aimé cette partie de la fin du rituel. Et l'échange, je trouve que l'échange est très... est toujours très riche parce que tellement les personnes soignantes comme on était, mes camarades et autres, ont pu exprimer la difficulté. Au plus, ça a été aussi entendu par les autres personnes et aussi que chacun puisse exprimer parce qu'après tout, tous et toutes, on est involucrés dans ce qui est la santé, de ce qui veut dire la santé, parce qu'on est tous... ou un moment soignante, ou un moment soignée. Et donc, je trouve que cet échange est vraiment très important. Pour préciser en effet ce que disait Malika, à la fin d'un rituel, ce qu'on n'entend pas ici dans le rituel radio, parce que c'est l'après, les participants au rituel sont amenés à nous suivre et on affiche en fait ensemble les nouvelles qu'on aimerait voir advenir dans les journaux. Et donc évidemment c'est là où il y a ce moment d'empuissantement et donc c'est toujours intéressant évidemment de recueillir aussi les impressions à chaud comme ça du public. Très bien. Et nous allons maintenant passer à la dernière partie de l'émission. Ça te ferait plaisir que je te chante une chanson ? Oh oui, oui. D'accord. Les femmes. Attends, celle-là. Je me fous du cours du dollar, je me fous des jeux de hasard, même si j'y joue quand même, je t'aime. On dit la bourse ou la vie, moi j'ai déjà choisi. Je me fous du mark et du yen, je t'aime. Je me fous du prix Goncourt, je me fous des prix tout court, les championnats, les grands chelems, je t'aime. Je me fous de la météo, je sais bien le temps qui fait haut. Tes bras doux comme la crème, je t'aime. Je me fous des voyages d'affaires, des colloques, des séminaires. Je fais mes confitures moi-même, je t'aime. Les conquérants, les gagneurs, ça me fait vomir, ça me fait peur. Je sais pas quelle folie les mène, je t'aime. Ce qui restait des jardins qu'on habitait, s'ils tarissent nos fontaines, je t'aime. We have found the witch, may we burn her? Burn her! Who do you know she is a witch? She looks like one! Yeah, she looks like one! Bring her forward. Not a witch, I'm not a witch. But you are dressed as one. They dress me up like this. On remercie les Monty Python et Michel Bernard pour cette transition tout en douceur. Vous avez entendu « Je t'aime » de cette grande amie d'Anne Sylvestre. Emmanuel, dans le rituel, il s'agit de désorceleuse et non de sorcier ou de désorceleur. Est-ce que c'est un choix pour désorceler la finance ? Oui, absolument. C'est vrai que ça vaut la peine de revenir sur ce que signifie désorceler la finance et de citer quand même celle à qui nous l'empruntons. Donc, il s'agit d'une anthropologue française, Jeanne Favret-Sada, qui a mené une enquête dans le bocage mayennais. Et donc, désorceler, en fait, signifie retourner le maléfice à l'envoyeur. Et donc, c'est une manière, en fait, pour nous de renvoyer les pouvoirs donc, à la finance, donc de manière à nous libérer de son emprise. Et surtout, en fait, ce qui est important, c'est qu'à travers le fait de nous désorceler, c'est une manière de retrouver une capacité d'agir. Et donc, c'est ça aussi que nous transmet, en tout cas, la magie. Ce que permet la magie, c'est de passer, en fait, d'une position passive à une position hyperactive. Et donc, de nous remettre en lutte. Donc, quand on s'en donne de la force, bah, c'est aussi retrouver les capacités d'agir dans la société et de retrouver une action politique. Mais le fait que ce soit donc au féminin, alors j'imagine aussi c'est parce que dans l'imaginaire, la magie, c'est la sorcellerie et donc davantage la sorcière. Mais est-ce qu'au sein du collectif, quelle place vous faites est-ce qu'il y a une place pour le féminisme, une réflexion au sein du collectif ? Oui, absolument. Donc nous ne sommes pas que des femmes, c'est un groupe mixte, mais donc un peu, je pense, assez équilibré. Mais pour autant, en fait, ce qui nous inspire à travers la figure de la sorcière, et oui, là, je tiens à rappeler que peut-être ma réponse sera personnelle et que peut-être d'autres auraient une autre manière de s'y raccrocher, même probablement. En tout cas, moi, je m'y rattache aussi pas mal à travers l'écoféminisme, où du coup, donc un mouvement qui est né donc plutôt dans les années 80 aux États-Unis. Et donc les sorcières qui se mettaient en lutte dans l'antinucléaire étaient des femmes, mais qui n'agissaient pas que pour les femmes. En tout cas, elles avaient vraiment une action politique beaucoup plus large. C'est pour nous, en fait, ça reste un mouvement global et un changement de paradigme qu'on a envie d'amorcer. Et donc, c'est ça ce que j'aime bien à travers la figure à travers les échos féministes. Je trouve qu'elle redonne elle propose un nouvel humanisme et elle propose aussi des valeurs et d'autres modes de fonctionnement qui peuvent nous émanciper d'un patriarcat capitaliste. Donc il y a ici, je trouve, dans leur vision, quelque chose d'assez large, où évidemment, en fait, on ne peut pas penser les choses intra-secteur uniquement. On inspire à une convergence des luttes. Et évidemment, quand on parle de finances, ben, ça croise tous les enjeux du quotidien et de la vie. Donc voilà. Et merci, Malika. Donc, si je ne me trompe pas, il y a une majorité de femmes au sein de la santé en lutte, qui, j'imagine, s'explique aussi parce que, sans compter les médecins, où je crois qu'on a une forme de parité aujourd'hui, le reste du personnel de santé est constitué, j'avais lu quelque chose comme 90% par des femmes. Et la mobilisation du secteur donc, a débuté en 2019 avec une grève de femmes. Et si je fais le lien donc, avec la figure de la sorcière, c'est dans l'histoire quand même une personne qui soigne, c'est une guérisseuse ou encore une sage-femme. Qu'est-ce que toi, en tant que médecin et membre de la santé en lutte, le fait que ce soit des désorceleuses, ça t'a particulièrement parlé ? Oui, pour moi, effectivement, les sorcières étaient considérées comme sorcières et d'ailleurs brûlées parce que c'était des guérisseuses. Et je pense que le pouvoir en place, l'Inquisition et autres, ont voulu faire disparaître justement parce que c'était des guérisseuses et que ce pouvoir de guérir a été ôté aux femmes et même dans les métiers après de la santé, refaire un métier où les femmes aient du pouvoir a été très très difficile dans l'histoire de la médecine. Mais actuellement, la médecine est un métier très féminisé, mais féminisée mais déséquilibrée. Donc effectivement, toutes les sphères du pouvoir, il y a moins de 50% des femmes qui sont dans les sphères donc en tant que médecin, mais en tant que chef de médecin ou autre. Et par contre, le secteur, tout ce qui est sage-femme, mais aussi par exemple les auxiliaires d'infirmières sont à plus ou moins 90% d'un secteur féminisé. Et car c'est un secteur féminisé, aussi parce qu'on lui attribue beaucoup le care, et que le care, c'est historiquement quelque chose qui a été octroyé aux femmes, donc les métiers du care, parce qu'on est faite, soi-disant, naturellement faite pour soigner et pour prendre soin des autres. Mais c'est aussi un secteur que pour cela a été précarisé, parce que c'était un secteur fait surtout par des femmes et qui a été définancé et précarisé comme beaucoup de professions qui sont féminisées et qui sont délaissées. Au sein de la santé en lutte, je crois qu'on a beaucoup de femmes très puissantes, et qu'on n'est pas prêt à se taire, et on prend... ou en tout cas on essaye de prendre bien ce discours aussi d'empowerment, de lutte féministe, et de travailler à la paire avec nos revendications quotidiennes. Et bien, tout ça me donne envie de vous lire donc un extrait de La Sorcière, qui est un ouvrage de 1862 et qui a été écrit par Jules Michelet. C'est un historien français. Alors, je ne le connais pas très bien, mais voilà, j'ai quand même l'impression qu'il y a un rôle, que c'est assez caricatural. Peut-être aussi c'est l'époque au rôle assigné à la femme et à l'homme. Mais ce qui est vraiment intéressant dans son ouvrage, c'est qu'en fait, il renverse l'image négative qu'on avait de la sorcière. Surtout, enfin, on est à la fin des chasses aux sorcières, mais on a encore une image très négative, et comme aujourd'hui aussi. Et lui, il va au contraire mettre en valeur les qualités de la sorcière. Et je trouve que par cette figure, il met en valeur des qualités qui ne sont pas toujours valorisées, justement dans la société, et dont on a pourtant profondément besoin. Et ça rejoint ce que vous avez dit, Emmanuel, sur aussi le sens d'un rituel. Il va parler d'intuition, d'imagination, d'intelligence de nos émotions, du pouvoir de l'amour, des rêves. Et voilà donc quelques extraits que je trouve inspirants, au-delà de seulement la femme, et vraiment pour nous tous dans la société. Nature les fait sorcières. C'est le génie propre à la femme et son tempérament. Elle naît fée. Par le retour régulier de l'exaltation, elle est sibylle. Par l'amour, elle est magicienne. Par sa finesse, sa malice, souvent fantasque et bienfaisante, elle est sorcière et fait le sort, du moins Andorre, trompe les mots. La femme s'ingénie, imagine. Elle enfante des songes et des dieux. Elle est voyante à certains jours. Elle a l'aile infinie du désir et du rêve. Pour mieux compter les temps, elle observe le ciel. Mais la terre n'a pas moins son cœur. Des yeux baissés sur les fleurs amoureuses, jeunes et fleurs elles-mêmes, elle fait avec elles connaissance personnelle. Femme, elle leur demande de guérir ce qu'elle aime. Et avec ces quelques mots, c'est bientôt donc la fin de l'émission, et je vais vous proposer une dernière pause musicale avant de clôturer ensemble ce moment. Compris ? Compris ! Le temps de prendre un cognac et on part ! Et on va s'envoler vers le Mexique avec une comptine, La Bruja, qui signifie la sorcière, interprétée par Salma Hayek et l'orchestre Los Vega, et qu'on entend dans la BO du film Frida. Ay, qué bonito es volar. Y a las dos de la mañana. Y a las dos de la mañana. Y ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Volar y dejarse caer. En los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bruja. chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo, y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar, y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo, y ahora le vas a chupar. L'heure. Et c'est l'heure du pernifleur. Et ça va déjà être l'heure de se quitter. Et peut-être Malika, tu voulais réagir. Tu disais que tu étais née en Bolivie. Et du coup, on n'a plus beaucoup le temps, mais que tu avais quand même une double expérience entre l'Amérique latine et l'Europe. Moi, ce que je retiens de mon expérience d'avoir vécu en Bolivie la plupart de ma vie, c'est en tout cas une approche de la médecine traditionnelle et la médecine populaire qui est vraiment beaucoup plus pratiquée dans la vie de tous les jours, et que prendre soin collectivement est quelque chose qui est beaucoup plus palpable, qui est beaucoup plus présent dans la vie de tous les jours, avec une énorme puissance de la médecine traditionnelle, mais aussi dans ce qui compte de prendre soin collectivement et ne pas être dans un système de santé qui est tellement juste individualiste, où on n'est que des numéros et qui est déshumanisé, et aussi une vue plus intégrale de la santé comme vraiment un tout et pas seulement comme des systèmes où ici on pousse à la spécialisation et d'aller voir les pathologues ou le spécialiste pour une partie du corps, comme si le corps était démembré et séparé de tout le reste, et donc de cette vision plus intégrale de la santé. Et donc voilà, je pense qu'on nous pousse aussi à aller vers un système où chaque fois on est moins en contact avec nous-mêmes et avec la prise en charge collective des soins est plus individualisée, et il y a plus de technologies mais peut-être moins de soins et de vraie vie. Merci, ça donne envie d'une prochaine émission pour explorer ça un petit peu plus. Merci en tout cas à toutes les deux d'avoir été ici. C'était vraiment un plaisir. Et je vous conseille d'aller faire un tour sur le site de Désorceler la Finance et puis de La Santé en Lutte. On trouve plein d'informations, de témoignages. Je vous conseille vraiment de voir un film d'un rituel, ça vaut le coup. Temps ! Le temps ! Qu'est-ce que le temps ? Et je vous souhaite une très belle soirée, et je vous laisse encore avec une toute petite chose à écouter, c'est le témoignage de Catel. C'est une sorcière bretonne et qui va nous parler de son pouvoir d'une manière assez enveloppante et universelle. Et on terminera en chanson en Colombie avec Fuego de Bomba Estéreo. Bon voyage et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Catel, en quoi consiste votre travail ? Quand je vais au chevet d'une personne qui est dans le coma, il m'autorise à rentrer dans son monde, d'une certaine manière. C'est pour arriver à la sortir du coma. Je vais rentrer là où il y a le problème, le cœur du problème. Alors souvent, dans ce que j'ai rencontré, ça tourne en boucle. Par exemple, l'accident tourne en boucle, ça n'arrête pas. Il faut arrêter ce chemin-là. Donc il faut rentrer dans... Il faut comprendre déjà où en est la personne. C'est un entre-deux. C'est pas vraiment la mort, c'est encore autre chose. Et c'est arriver à trouver la porte pour que la boucle s'arrête et lui montrer l'autre chemin, ce qui est à côté. Et une fois qu'on est arrivé à montrer cette petite porte, quelque chose se déclenche et il peut voir. Oui, c'est ça, c'est savoir voir une autre réalité. Thank you.